Selon la KBS sud-coréenne, les partis de l'opposition de Corée du Sud ont exigé catégoriquement le 10 de la Cour constitutionnelle de décider promptement la destitution de Park Geun-hye.